As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7 Corpse, Demi Borgir, Blind Guardian, SOD, In Flames, Cataclysm, Necronomicon, and more! Salut, c'est Van Latour ici à la barre de Subversion, édition du 20 novembre 2015. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission spéciale sur BCI, Brave Concert International, et donc émission qui se fera hommage à 21 ans d'accomplissement et à son grand Manitou, Stéphane Mellul, avec qui nous avons eu un entretien au Corona vendredi dernier. Ça sera présenté à la mi-temps. On aura aussi un entretien avec Michel Monette, alias The Metal Guy, qui nous fera part de ses observations. Et aussi des prélèvements audio de 12 intervenants, musiciens et observateurs de la scène métal montréalaise, qui étaient présents à l'événement de clôture de BCI au Corona vendredi dernier. Donc, pour les nostalgiques, c'est à ne pas manquer. On y va tout de suite avec un des groupes, parmi d'autres, qu'on va entendre dans l'émission, qui ont fait partie des bons souvenirs et des points tournants de BCI. Blind Guardian avec Banished from Sanctuary. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Radio. I'm sorry. SOD, Stormtroopers of Death avec Douche Crew et Fuck the Middle East, deux pièces que l'on retrouve évidemment sur cet éternel classique Speak English or Die de 1985. Le passage de SOD au Foufounes électriques le 28 novembre 1999 avec Skin Lab et Crowbar, c'est vraiment mon souvenir BCI favori personnel. Ça va être une soirée fantastique. J'avais pu m'approcher à quelques pieds de Scott Ian devant la scène. J'avais pu rencontrer Danny Lilker en entrevue pour le zine Extrême Radiophobia. On avait vu les gars de Voivod aussi à l'étage supérieur. Bref, une soirée fabuleuse. Avant ça, on avait eu In Flames avec The Jester Race de 1996, et au début du bloc, on avait Blind Guardian avec Banished from Sanctuary live en 1992 à Tokyo. Blind Guardian, autre souvenir incontournable pour l'équipe BCI, le passage de Blind Guardian à Montréal. Ce qu'on va entendre, c'est un montage qui regroupe les observations et souvenirs de 12 intervenants, musiciens et observateurs de la scène métal montréalaise. Vous allez entendre Simon Girard de CIBL, Louis Girard du Sang Frais, Pat Loisel de Augury, Nathalie Barry de BCI et Potion 13, Phil the Elder observateur, Philippe Ivanovic Agony, Stéphane Gauvreau de Agony, Christine Fortier de CISM, Alain Pérus observateur et Stéphane Perret de BCI et Covidis. Ça fait plus que 15 ans que je vais voir des shows de BCI, fait que c'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur que j'en ai connu à peu près 16 sur 21 des années, c'est quand même pas pire. Souvenir le plus mémorable, on en parlait au Bourreau Métallique il n'y a pas très longtemps, mercredi dernier. Le premier show d'Ed Flames, le premier show de Timo Borghier, c'était au pouf, c'était juste n'importe quoi, complètement dément, apocalypse. Ça a changé la game au niveau de la musique métal au Québec et à Montréal. Ces deux shows-là, là, eux seuls, ont fait que plein de groupes n'auraient jamais osé venir ici avant, ont décidé de passer dans les années. Aussi simple que ça. Fait que BCI, ça représente 20 ans de spectacle à Montréal. Ça a ouvert les portes à beaucoup de groupes internationaux sur le Québec, parce que avant que BCI fasse jouer Dimmu Borgir et In Flames, les groupes, on dirait qu'on n'était pas sur la map. Montréal n'était pas sur le trajet des groupes underground. BCI a mis Montréal dans le trajet, puis la foule était là, le monde en voulait, le monde avait faim. C'est ça, BCI a ouvert la porte, a toujours mis des groupes métal montréalais en première partie, des groupes internationaux. Pour ça, justement, il a aussi créé du rêve pour toutes ces bandes-là qui ouvraient pour des bandes internationaux. Là. Je connais Stéphane Mellul depuis avant qu'il fasse BCI. On se croisait dans des bureaux genre en 1992-14 dans ces coins-là. C'était un ado. A-t-il beaucoup changé? Qui réalisait qu'il nous a fait jouer Cradle of Filth au Metropolis en 2001. Et que ça avait été vraiment superbe. Augury, on a fait plein de shows pour BCI également. Les shows qu'on a fait avec Kata, les shows qu'on a fait avec Martyr et compagnie qui étaient pour BCI. Le traitement royal qu'on a eu des fois pour beaucoup de shows, ainsi de suite. Puis simplement le fait que sans lui, il y aurait plein d'artistes qu'on n'aurait jamais vus à Montréal. Les gens oublient que Stéphane a payé personnellement pour maintenir BCI à flot, parce qu'il y avait, quand t'as des espèces de morons comme Wasp qui te demandent genre 20 000 $, puis après ça, ils disent « Ah, j'aime pas ça, tu fais pas de choses, ça en va avec ton cash. » Tu sais, il y a bien du monde qui aurait mis la clé dans la porte. J'ai connu Stéphane Mellul puis Robin, ça fait quand même 20 ans. Puis j'ai embarqué, ça fait en avril 2008, sur le premier show, c'était Dimmu Borgir au Metropolis, on m'a rappelé toute ma vie, tu sais. Tu pars de rien, puis du jour au lendemain, tu seras mort chez BCI, là. C'est comme... J'ai adoré travailler pour cette compagnie-là, parce que, tu sais, c'est comme hors du commun, tu rencontres tous les artistes, fait que C'est quelque chose qui va rester dans mon cœur et mon âme jusqu'à la fin des temps. Le souvenir particulier que j'ai, moi, c'est pas compliqué, c'est quand j'ai découvert BCR. Alors, c'est mon ami Éric Baudet, qui dans le temps était drummer de Necronomicon. C'était mon grand chum. Mais dans ce temps-là, je ne le connaissais pas encore. Mais il y avait on avait des amis en commun. Alors, à un moment donné, on est devenus amis. Puis là, il est parti drummer avec la gang de Agonie. La gang d'Agonie était là, et puis eux autres, ils étaient... C'est là que ça a commencé, DCI. Puis là, ben, ils m'ont introduit à ces genres de shows-là. Et mon ami Éric Baudet m'en a fait découvrir en masse. Puis c'est grâce à lui, puis à Stéphane Gauvreau d'Agonie, la gang d'Agonie, finalement, que j'ai été initié par ça. Un labor de shows qui était exceptionnel pour Montréal. C'est eux qui ont toutes sorti les meilleurs bands. Sans BCI, je me demande si on connaissait, mais à Montréal, ce serait aussi metal. Il y avait un show, c'était avec Dismember, Shadows Fall, Cataclysm, justement, au Fouf. Puis la veille, Mellul, il avait demandé à Gauvreau si on voulait jouer. On a dit oui. Finalement, on a remplacé Shadows Fall. Ah oui. Puis il y avait des kids qui étaient en avant de moi et disaient, « Hey, vous n'êtes pas Shadows Fall? » Je dis, « Non, on n'est pas Shadows Fall. » Ça arrangeait tout le temps. T'sais, si un band ici pouvait jouer, je trouve que ça aidait pas mal les bands ici. Je trouvais ça cool. Un souvenir de BCR, quelque chose que je me rappellerai tout le temps. Steph avait une tendance de nous appeler pour remplacer les bands qui passaient pas aux douanes. Donc, un moment donné, il y a eu un show de Punch and Stench avec Brutal Truths. Puis malheureusement, le drummer de Brutal Truth avait perdu sa grand-mère. Donc, Steph m'a appelé. Il était 4h30, 5h. Steph, ça me tente de jouer à soir. J'ai dit, laisse-moi caler les gars. J'ai calé le restant des gars. Puis à 6h, on débarquait le stock à la salle. Puis on embarquait sur stage en même temps. Ça a tout le temps été des trips de même avec BCI pour Agonie, tu sais. Ah oui. Il nous a fait remplacer Shadowfall un moment donné comme ça. Oui. Ça a vraiment été un bon trip. Ça. Ma première rencontre avec Stéphane Mellul va rester un grand moment pour moi parce qu'à l'époque, il organisait un show pour Cataclysm, c'était au Backstreet. Puis on avait fait une petite entrevue et tout. Puis il avait, tu sais, comme tout un baby face à ses débuts. Là, puis il avait 17-18 ans, me semble. Là. Ça avait juste comme pas de sens que. Il était comme déjà sérieux, homme d'affaires et tout, puis ça m'avait beaucoup impressionné. Tu sais, 20 ans et quelques plus tard, il est encore dans ce milieu-là. Je me souviens aussi qu'à l'époque, il y avait, comme les gens quand ils parlaient de lui, c'était toujours avec beaucoup de respect parce qu'il se traitait bien ses fans. Fait que c'est quelque chose qui m'a toujours comme un peu marqué. Puis nous, comme médias, si tu veux, il nous a toujours bien traités aussi. Et pendant longtemps, on avait notre carte d'accès VIP pour toutes les shows officielles. On avait juste un flash de ça à l'entrée. C'était tellement extraordinaire. À ce temps, il faut appeler, envoyer des courriels. Puis on ne sait plus jamais si on peut. Puis on a toujours peur en arrivant de ne pas pouvoir entrer. Fait que tout c'est comme... On s'est toujours senti inclus dans les shows officielles. Je pense que c'est une des choses qui fait la marque qu'on va se souvenir de Stéphane Mellul de façon positive. Mon meilleur souvenir BCI, en fait, c'est dans une salle qui n'existe plus. Ça a été au Medley. Ça a été un show de Eluveti. On est en 2009. C'est la totale, vraiment. Là. Écoute, l'alliance est survoltée. C'est le bordel. Tout le monde, le trash est intense. Je me suis taché le t-shirt de la tournée à ce moment-là. C'est, si je ne me trompe pas, je crois que c'était dans le cadre du Pagan Fest. Écoute, ça a été un des grands moments où tout le monde embarquait. Il n'y avait personne. Personne n'était écrasé ou à quelque part en train de regarder le show en étant passif. Non, tout le monde brossait la tête, tout le monde trashait. Une année, je m'en rappelle, sur les posters de show de Mellul, dans le temps c'était Bloody Corpse. Il avait il mettait son numéro de téléphone. Je l'avais appelé, puis je me rappelle, on s'était parlé là, pendant quasiment 45 minutes, une heure au téléphone. Je me rappelle même que je faisais écouter le premier album de Gates. Ça a commencé de même, c'était un simple appel. juste comme ça, tu sais. Puis avec le temps, ben, à force de se revoir dans un show, tout ça, il m'a comme donné l'opportunité de faire partie de l'équipe, chose que j'ai bien appréciée. Un truc que je me rappelle qui m'est sorti de la tête en premier, c'est Nick Barker quand il passait avec... Il me semble que c'était un show de Jimmy Bourguet. J'arrive pas à me rappeler c'est quoi le show exactement, ouais. Là, le band. Mais évidemment, tu sais, nous autres, dans la journée, on avait pas... Il y a des bouts qu'on n'avait pas rien à faire, fait qu'on fallait qu'on tue du temps. Mais des fois, on se tenait avec les membres, puis bon, le monde sortait leur joint, puis leur bang, puis tout ça. Puis je me rappelle une année, les gars, ils sortent un bang avec un joint, puis Nick, il commence à toquer avec une grosse puff dans le bang. Puis là, il commence à... Tu vois, il avait le bang dans les mains, puis il était assis, tu sais, sur le divan. Là, tranquillement, il commençait à passer out, là, puis tu voyais le bang qui commençait à descendre, puis l'eau, avant que l'eau elle tombe sur le divan, j'ai comme pogné le bang. Puis là, il est revenu à la réalité, il m'a regardé, puis il me dit, « I saw my wife! » Tout le monde part à rire. C'était quelque chose d'assez... C'était un moment assez unique, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Ah oui, on a tellement rencontré du monde. Ah oui. C'était des bonnes années, moi t'avoue, c'était bien fun. Oh, 1999 avec Dimmu Borgir, United in Honolulu with Grace de l'album Spiritual Black Dimensions. On se souviendra de leurs deux passages à Montréal la même année, soit en mars au Medley et en septembre au Foufounes Électriques. Dans les 20 prochaines minutes, on aura Cannibal Corpse, Necronomicon, André Pitre, Stephen Henry, Michel Monette, mais avant, l'entrevue avec Stéphane Mellul de BCI. Grâce à tout le public du Québec, de l'Ontario, du Canada qui sont venus nous supporter au complet. Alors, encore une fois, mon cœur va à vous. Merci à tout le monde. Bon, nous sommes en direct du Corona pour cet événement BCI, le tout dernier, en compagnie de Stéphane Mellul. Salut Stéphane. Bonjour. D'abord, au nom des auditeurs de Subversion Underground Québec et de bon nombre de gens ici à Montréal, la scène locale surtout, félicitations pour ton accomplissement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde qui sont venus pour supporter, du monde qui ont voyagé de partout au Québec, en Ontario, juste pour venir ici ce soir, ça touche beaucoup. Fermer les livres avec BCI, ça t'a demandé une longue réflexion, sans doute. C'est quoi les facteurs principaux qui t'ont convaincu de mettre un terme à la production de spectacles après toutes ces années? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite Los Angeles depuis plus que 3 ans. Je suis devenu agent de tournée. Donc, c'est moi qui boucle les tournées en Amérique du Nord pour beaucoup de groupes. Et puis, je revends aux autres promoteurs, alors que j'ai été promoteur moi-même pendant toutes ces années. Et puis, je me suis aperçu que plus le temps avance, plus il fallait que je sois présent pour pousser ça de mon côté à Montréal. Puis, mon absence, je pense que les choses n'ont pas été faites à 100% comme moi je l'aurais voulu. Donc, j'ai essayé de traîner ça le plus possible, histoire de dépasser les 20 ans, puis même une année de plus. Mais je pense que c'était le temps de céder la place à d'autres mondes, parce que je pense que c'était pas juste pour le public et pour les groupes si je pouvais pas donner mon attention à 100%. Puis je suis extrêmement occupé du côté de l'agence aussi, fait que d'un côté ou d'une autre, il fallait que ça arrive à terme à un moment donné, puis j'ai décidé de faire ça là, avec ce spectacle. Avant même la fondation Brave Concerts, tu organisais des spectacles. Bloody Corpse. Bloody Corpse. C'est ça. Ça a été quoi le catalyseur, le point tournant qui a fait que c'est devenu Brave Concerts, en fait? Ben, en fait, Bloody Corpse était supposé être un passe-temps. Et puis, c'était un nom complètement ridicule, mais c'était au début des années 90, ça marchait encore. J'étais journaliste au cégep et puis je commençais à faire des critiques de spectacles. Et puis finalement, j'ai dit. J'aimerais ça essayer moi-même, pourquoi ça là, 94. Ça a commencé comme ça, sauf qu'après, quand on a passé à un autre niveau, des spectacles plus gros, j'ai remplacé Bloody Corpse par BC dans le fond, parce que j'ai dit au pire, on va attirer du monde un peu plus professionnel. Et puis finalement, j'ai toffé avec ça pendant 2-3 ans, peut-être 4. Et puis après ça, j'ai dit que BC devait avoir une autre définition, fait qu'on a remplacé Bloody Corpse par Brave Concerts. Et puis l'ajouter international parce qu'on était à un niveau international en frais d'artistes et de clients. Puis c'est ça que ça a donné, qu'est-ce que c'est jusqu'à aujourd'hui. Justement, il y a certains qui s'entendent pour dire que, en fait, le tout premier concert de BCI avec Cannibal Corpse au Backstreet, ça a été un des plus mémorables, sinon le plus mémorable pour certains. C'est quoi ton souvenir par rapport à cette soirée-là en particulier? C'est un accomplissement, puis c'est ça qui a tout déclenché, je peux dire. Parce que Cannibal Corpse, ben, c'est le dernier show avec Chris Barnes à Montréal. Alors déjà ça, j'ai été chanceux de pouvoir faire partie. J'avais commencé à travailler avec Necronomicon aussi récemment, donc je les ai mis sur ce spectacle-là. Donc pour moi, ce spectacle-là a eu beaucoup de valeur de ce côté-là, mais aussi c'est parce qu'on est allé par-dessus la capacité du Backstreet, parce qu'il y avait tellement de monde. Il y avait des gardes de sécurité sur le stage, il y en avait tellement qu'on pouvait presque pas voir le show. Il y avait une ambiance incroyable, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, je pense qu'à un moment donné, les toilettes étaient bouchées, ça coulait pas. En tout cas, c'était débile comme spectacle. On en a vu toutes les couleurs, mais je me suis réveillé le lendemain matin, et puis même qu'il manquait de bière à un moment donné dans le bar, tellement qu'il y avait de monde. Puis je me suis dit que c'était, c'est wow, il y a quelque chose à faire avec ce spectacle-là. Puis c'est ça qui a tout déclenché la compagnie. Puis on a refait Cannibal Corpse plusieurs fois après. Puis des même plus gros spectacles avec beaucoup plus de monde, mais c'était quelque chose qui est très sentimental, ce spectacle-là. Stéphane Mellul a commencé à 17 ans. Il a produit un spectacle, le spectacle de Cannibal Corpse. Et ce spectacle-là, le premier de tout, c'est peut-être son meilleur. Donc, il y avait Cannibal Corpse, il y avait Grave, il y avait Samael et Necronomicon. Dans une salle complètement pactée, c'était le Backstreet. Il y avait beaucoup plus de personnes que la salle pouvait en contenir. Et c'était tellement malade que quand Cannibal Corpse a joué vers la fin, il y avait 9 bouncers sur la scène. Et Chris Barnes, qui était le chanteur de Cannibal Corpse dans ce temps-là, était à genoux puis chantait entre les jambes des bouncers. Je pense pas qu'il a fait un concert plus épique que ça. Ça a été son premier. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'imiter Stéphane avec d'autres genres de production. Ils se sont tous plantés. Comme quoi, Stéphane avait une excellente recette. C'est un gars extrêmement brillant. Et je lui lève encore une fois mon chapeau. Merci Stéphane pour ces belles années, pour 21 ans de très, très bon travail. Je pense que tu es la personne qui a eu le plus gros impact dans la scène métal depuis que la scène métal existe. Dans un contexte comme ça, où ce qu'on veut célébrer, puis on veut se remémorer des bons souvenirs, évidemment, mais en même temps, juste pour faire sentir aux auditeurs que ça n'a peut-être pas été une route facile non plus pour vous autres, le groupe BCI. Il y a sûrement eu des mauvais moments aussi. Il y en a-tu que tu te rappelles des embûches que vous avez eues, peu importe Il y en a eu en masse. En fait, je peux penser à l'histoire du 11 septembre qui est arrivée. Ça a fait une grosse baisse dans le public pour les shows qui étaient à venir. Il y avait des shows qui ont été annulés. Ça a causé beaucoup de pertes. Beaucoup de fois, j'ai voulu laisser ça là parce que je me suis dit que ça n'avait pas d'allure. Tous les gros spectacles que je m'attendais sont allés en dessous. Puis, sinon, les groupes annulés ne voulaient pas venir en Amérique. T'sais. Donc ça a été une grosse perte. Je sais que le taux d'échange avait fluctué au travers des années. À un moment donné, on était rendu à 1,64 comparé aux US. Et puis, une chance qu'on avait quand même un bon public fidèle pour pouvoir garder ça en vie. Parce que un groupe qui voulait 10 000 $ était payé 16 000 Canadiens, par exemple. Ça faisait une méchante différence, puis il en fallait du monde là, pour couvrir ça. Donc, il y a des histoires comme ça qui nous ont touché beaucoup. Quand le medley a fermé, c'est une autre histoire. Ça n'a pas été facile pour nous parce que c'était notre place. On avait eu l'historique. C'était comme notre chez-nous, dans le fond. Spectrum, c'était cool, mais on n'était pas aussi proche que le medley. Ça, c'était quelque chose qui nous a affecté beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En général, il y a eu des hauts et des bas, comme n'importe quel promoteur. T'en perds, t'en gagnes, c'est normal. Mais je pense qu'on en a vécu assez pour dire qu'on peut arrêter ça en beauté aujourd'hui. Et puis, sans regarder en arrière, sans avoir du remords ou quoi que ce soit, je veux dire, on en a fait pas mal. Puis je pense qu'on s'est tous donné à 100%. Ça, aucun doute là-dessus. quel a été, selon toi, ton plus grand coup, ou je devrais peut-être dire votre plus grand coup, parce que BCI, c'était quand même un collectif de personnes quand même assez passionnées pour se dévouer justement à la cause. Selon toi, personnellement, quel a été ton plus grand coup, le plus grand défi que tu t'es donné et que tu as été en mesure de réaliser? Je pense que il y en a eu plusieurs. Je peux les nommer rapidement. Là. On a fait venir Blind Guardian la première fois à Montréal. On avait fait sold out au medley, 1800 personnes, puis même qu'on est allé un peu par-dessus. Puis le groupe avait aucune idée. Le groupe trouvait que le public était extrêmement fort, même qu'ils bouchaient les oreilles. Ça, c'était vraiment un accomplissement. Blind Guardian puis Gamma Ray, back-to-back, un après l'autre pour la première fois. On a fait venir Children of Bodom au Foufoune Électrique la première fois. Ça a battu des records pour eux. Première fois avec In Flames au Foufoune Électrique. Ça aussi, c'était débile. Je pense 800 dans une capacité de 650. Dimmu Borgir au Foufoune Électrique aussi. Même chose. 99, je pense. Ouais. Donc, après avoir fait des groupes comme ça, et puis on voit où est-ce que ces groupes-là sont rendus aujourd'hui, on peut dire que on est fiers d'avoir fait partie de leur évolution. Et puis de les avoir bâtis à Montréal, parce que c'est vraiment ça qu'on a fait. Quand on a fait 2 soirs de suite, Metropolis avec Children of Bodom, 2 soirs de suite avec Dimmu Borgir au medley, 2 soirs de suite avec Nightwish au medley et au Metropolis une autre fois, 2 fois de suite. C'est du monde. Puis ça, c'est des accomplissements que je veux dire, c'est des images qu'on... Ils disparaîtront jamais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Pour terminer, est-ce qu'il y a des personnes en particulier que tu voudrais remercier, passer un message? Ben avant tout, j'aimerais remercier mes trois capitaines, si je peux dire. Donc, il y a Maurizio de Cataclysm, qui a toujours été avec moi. Robin de Necronomicon, c'était mon superviseur pendant jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir. Stephen Henry, qui m'a tout appris sur la promotion, puis comment faire le street team. Je veux dire, c'est un mélange de ces trois-là qui ont fait ce que BCI est aujourd'hui. Beaucoup de monde, Melissa, Kate, Eric Fizette à l'époque, Felipe, il a dessiné notre logo à un moment donné. Il y a beaucoup de monde dans les premiers bands québécois aussi, Obscene Crisis, Neuraxis, tout du monde qui était impliqué avec moi, qui a fait du bénévolat, qui a fait partie de mon staff. Puis je remercie du fond du cœur, évidemment, le public super loyal québécois qui nous ont toujours supportés. Puis on va voir ce soir comment est-ce qu'il va en avoir, mais je pense qu'il y en a pas mal. Ah oui, donc merci à tout le monde. Ah oui. En tout cas, merci Stéphane, puis bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup. Fait plaisir. Merci. moi, quand j'ai commencé avec BCI, c'était déjà comme... déjà Stéphane avait déjà comme établi un peu son idée de faire des spectacles. Il en faisait dans des petites salles et a commencé avec Cannibal Corpse, comme tout le monde sait, en 94-95. Et moi, j'étais là... À partir de là, ça a évolué. Fait que c'était magique. Je veux dire, j'ai comme grandi là-dedans à apprendre un peu tout. Je savais pas vraiment faire de l'éclairage, vraiment. Puis j'en ai appris. J'ai avancé un peu dans le DJ, dans la technique, dans l'adversité, dans tout. Parce que, je veux dire, ça n'a pas toujours été des shows roses. Il y a eu beaucoup de brun. Il y a eu des fucks, de tout genre. Mais là, il faisait venir des bandes qui n'ont jamais venu au Québec. On va parler de Dimmu Borgir, on pourrait parler d'Emperor, on pourrait parler aussi de plein d'autres bandes. Manowar est venu. Et voici maintenant la chronique de Michel Monette. De Metal Guy. Je suis en direct avec mon ami Michel Monette des Repentigny. Salut Michel. Salut Sylvain, ça va bien aujourd'hui? Oui, pas si mal quand même, malgré le gris. Yes. Moi, je voulais te demander, toi tu étais présent, je m'en suis pas rendu compte sur le soir même, mais finalement je me suis rendu compte par après que tu étais présent au Corona pour cette dernière de BCI avec Cataclysm et compagnie. Comment t'as trouvé ta soirée? Ben, je t'avoue que je suis pas vraiment allé là pour le spectacle, parce que tous les groupes qui étaient présents, soit aussi bons que soit on les a vus maintes et maintes fois, mais c'est plus pour l'événement, pour signer la fin d'un chapitre avec Brave Concert, et puis pour dire un bonjour chaleureux à notre ami Stéphane Nelleux. Tu es un des observateurs de longue date de la scène montréalaise. Pour toi, ton souvenir favori de l'historique de BCI, des concerts BCI ou de ton observation de BCI en général? Moi, j'ai plusieurs observations. Moi, je connais Stéphane depuis l'été 94. Je l'ai rencontré pendant qu'il était... il commençait BCI, ou BCI était commencé, ou allait être commencé dans ce temps-là, ça s'appelait Bloody Corpse, puis il avait fait une couple de spectacles, deux ou trois, je crois, des spectacles locaux au Jailhouse ou au Phone Electric. Il écrivait encore dans le journal de Ville-Saint-Laurent, le journal du Cégep de Ville-Saint-Laurent, là où j'allais d'ailleurs. Puis à un moment donné, on s'est vu dans un show, puis c'est Stephen Henry qui m'a présenté. Fait qu'on n'était pas beaucoup dans la scène dans ce temps-là. Mais c'est comme ça, de fil en aiguille, c'est lui qui a fait... moi, j'ai commencé à vouloir faire des spectacles parce que je m'occupais déjà de quelques groupes. Fait que j'avais besoin de contacts. Et puis Stéphane était là pour me donner des hints, des contacts, et aussi pour me donner sa sagesse au niveau professionnel. Fait que ça a été vraiment... pas un coup de pouce, là, mais c'était un excellent tremplin de passer du temps avec Stéphane au travers de ces années-là, au début surtout, vu que c'est un gars qui est très professionnel à ce qu'il fait, et puis il a une idée vraiment très claire de ce qu'il désire avoir quand il y a un but à atteindre, et puis ça va être engendré au travers de toute sa carrière avec Brave Concert et autres, parce qu'il y a aussi plusieurs autres projets qui ont été... il a créé au travers de toutes ces années-là. Mm-hmm. Fait que meilleur souvenir, il y en a un qui est assez cocasse, c'était en 99, je pense, c'est le show de SOD au Fofon Electric. Ah oui. Fait que moi je fais mes kiosques à Walker Records. Fait que je vends mon merch, des chandails, des CD et toute l'affaire. Puis à un moment donné, entre les deux groupes, je me souviens pas c'est qui le groupe d'ouverture, mais en fait, SOD allait jouer à un moment donné. C'était Skin Lab, je pense. Je l'ai sur ma liste à quelque part, mais je pense que c'est ça, Skin Lab. Oui, oui. Puis là, c'était au Fofon Electric. On sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour faire des kiosques. Fait que là, on était installés, moi et ma gang, dans le petit bar qui est sur le côté. Quand tu regardes le stage, c'est le stage left. Oui. Fait que là, arrivé ça, à un moment donné, « What is this? It's this Nando fucking flea market! » On était là, moi... Il y avait moi, puis il y avait Eric Galli qui avait ton kiosque, tout. Fait que là, on commençait à prendre un peu de place. Puis je le comprends, mais j'ai juste trouvé ça drôle, la façon carrée. Puis il fait ça, il veut nous casser un peu parce que il avait qu'il veut vendre son merch, fait que tu comprends, c'est un peu compétitif. Ouais. De Stéphane Rappi, non, il parle, puis finalement, ça a bien été. Ah ouais. Mais ça, c'est un événement que je me remémore encore, puis que je trouvais ça assez cocasse. Venant de l'être que Billy Milano. Mais overall, c'est tout des bons souvenirs. Stéphane a toujours été là pour m'accueillir dans les kiosques. Il marquait toujours le logo Warfare sur toutes les flyers, ou la quasi totalité de toutes les flyers ou posters. Comme on dit en anglais, il a laissé son footprint dans la scène, je dirais pas locale seulement, mais aussi internationale, pour avoir mis Montréal sur la map, avoir solidifié la scène autant locale qu'internationale et mettre Montréal en tant que point d'entrée vers l'Amérique, puis maintenant, vu qu'il était à Los Angeles, fait du bouquin en Amérique du Nord, ben, il sait qu'il y a toujours le contact ici ou vice-versa. Oui, oui, oui. C'est une porte d'entrée, puis grâce à lui, c'est ça qui fait que le métal a peut-être réussi à passer le tournant de la décennie, tu sais, dans à l'extrême. Fait que c'est un joueur extrêmement important. Décidément, puis c'était intéressant aussi d'entendre le point de vue personnel. Et Mike, je te remercie grandement, toujours un plaisir, puis on se reprend prochainement pour un recording en personne. S'achève avec cette pièce de Cataclysm, Damnation is Here de 2001. La semaine prochaine, à ne pas manquer, spécial 1985, pour souligner le 30e anniversaire du festival World War III. Surveillez la balado diffusion sur SoundCloud, la page Facebook. Merci à tous les collaborateurs et merci à Stéphane Mellul et toute l'équipe de BCI. À la semaine prochaine. Bye. Power! Love to be devoured!